Consciemment on assiste tous à obscurcir notre avenir. J'insiste sur ce fait, parce qu'à la base je sais que rester sain est une des clés de la réussite. Ya, consécration licite, au mic je milite sur beat, sur instru, je débite moi même si l'inconnu beat. T'accentues ma vertu, mon accentue, ma voix, mes vertus. Comprends-tu ce que je ressens face à tous ces bains de sang, c'est turide innocent. Actuellement, à qui je parle, Occident. Au reste du monde, les preuves abondent, les stèles emblèmes d'une police du monde. À quand la révolution? La fin de toutes ces persécutions. C'est toi qui vois dans ce monde, papa. J'avance dans l'ombre et c'est pas tous les jours même combat. Vivre ou survivre, toi-même tu sais, c'est toi qui vois. La vie est une pute. Je préfère être le maquet, pas me faire maquer. À chacun sa vérité, tu le sais. La mienne, j'ai hérité d'un passé mouvementé. Aujourd'hui, mes idées, je les grave sur papier. Par la suite, dans votre thé. Knife l'entêté a décidé de marquer son époque, celle des gangsters en toc. Avec humilité, au mic militant, n'a déterminé à marquer son temps. Fier de son teint, ses origines africaines, je suis et resterai. À Paris aussi, je suis atterré. Mais malgré tout, avance dans cette vie de souffrance. Mais malgré tout, avance dans cette vie de souffrance. C'est toi qui vois dans ce monde, papa. J'avance dans l'ombre et c'est pas tous les jours même combat. Vivre ou survivre, toi-même tu sais, c'est toi qui vois dans ce monde, papa. J'avance dans l'ombre et c'est pas tous les jours le même combat. Vivre ou survivre, toi-même tu sais, c'est toi qui vois dans ce monde, papa. J'avance dans l'ombre et c'est pas tous les jours même combat. Vivre ou survivre, toi-même tu sais, c'est toi qui vois. Vivre ou survivre, toi-même tu sais, c'est toi qui vois. Vivre ou survivre, toi-même tu sais, c'est toi qui vois.